On est avec Raymond Poirier maintenant. Raymond qui, bonjour d'abord Raymond. Bonjour. Qui vient de traverser une grosse période là, avec la semaine du numérique. Il y avait, le salon du livre, la BD, franchement. Une belle concentration d'activités. Ah oui, une belle concentration. C'est peut-être le post-partum là, après les gros événements. Mais faisons un retour, un petit retour, un beau retour là, spontané sur l'édition 2017 du Web à Québec peut-être. Là, question de revenir un peu sur l'événement. Oui, en fait, c'est l'événement phare, en fait, le Web à Québec de la Semaine numérique de Québec, édition 2017. C'est toujours un gros, si tu me permets l'anglicisme, un gros get-together la communauté techno de la capitale, avec présence aussi de délégations internationales. On parle d'au-dessus de 1000 personnes qui étaient présentes au terminal de croisière pour 3 jours de conférences, de présentations et de réseautage. Alors, dans l'idée de jaser, d'échanger, dans le fond, sur différentes préoccupations, toujours en lien avec le web et envers les éléments qui sont rattachés au web. Cette année, il avait quand même mis un gros accent sur la question de l'intelligence artificielle. Il faut dire que ça fait quand même quelques années qu'on en parle. Ben oui. On la sent venir, on la sent monter et... de cette intégration-là, je pense qu'on peut voir que le milieu technologique est aussi préoccupé, si on peut dire, par les enjeux qui sont rattachés à ça. Quand on parle de préoccupations, des préoccupations d'éthique, de quelle sorte de préoccupations? Préoccupations sur les impacts que ça risque d'avoir d'abord et avant tout, et peut-être aussi sur la préparation au niveau étatique face aux mutations qui sont engendrées par le numérique. Ah ben parce que, ça aussi, c'est une grosse préoccupation, oui, mais effectivement. Ça reste en filigrane d'un peu tout le reste, en fait, où autant sur les activités du WAC que d'autres événements. Bon, on a l'impression que au niveau législatif, on est toujours un peu en retard, on est toujours pas nécessairement préparé pour intégrer ces modifications-là, et que finalement les plans qu'on semble vouloir proposer relèvent trop souvent un peu de l'économie et ne semblent pas nécessairement considérer le numérique comme des choses qui sont en filigrane de l'ensemble du reste des choses. Donc on traite le numérique comme un objet, comme une entité à part, alors que le numérique a un impact sur la démocratie, sur la vie en société, sur les affaires, sur la culture, sur la santé, sur le patrimoine, etc., etc. Donc, c'est partout. Et c'est d'ailleurs, en fait, c'est points, global, là. Et puis on le traite comme en parallèle avec toutes les autres choses, alors que c'est pas tout à fait ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, là. Exactement. Et en fait, il y avait un des conférenciers, Sylvain Carle, qui disait, regardez, on aura un vrai plan numérique quand le plan qu'on proposera ne s'appellera pas plan numérique. Oui, c'est ça, effectivement. Et qu'on aura compris, justement, que ça va avoir une influence assez large. Lui était là pour parler, entre autres, d'ailleurs, ce conférencier était là pour parler d'intelligence artificielle. Lui disait justement qu'il y avait même une évolution continuelle des définitions en lien avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Quand on en parlait il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, une dizaine d'années, ça voulait dire une chose. On pensait beaucoup donc à ces robots intelligents. C'est encore ça qu'on a en tête quand on parle d'intelligence artificielle, mais elle commence à prendre d'autres types de ramifications. Lui donnait l'exemple de ce qu'on appelle désormais l'intelligence augmentée. Donc l'idée qu'on prend une activité qui peut être faite par un humain, mais qui peut être faite plus efficacement par des robots, donc des tâches de manutention, par exemple, tâches manuelles dans des usines et le reste, qui sont de plus en plus robotisées. Et on dit, regardez, c'est évident que dans un contexte d'activité de ce type, le robot peut être plus efficace que l'humain, donc dans des tâches répétitives, pas faciles et le reste, mais dans d'autres tâches, nécessairement, le robot doit, lui, être accompagné de l'humain. Donc, c'est pour ça qu'on en vient à parler d'intelligence augmentée. Donc, on dit, le robot vient augmenter l'intelligence humaine, vient augmenter le raisonnement de l'humain. Et donc, c'est ce à quoi on fait face actuellement à ce niveau-là. Éventuellement, évidemment, ça va continuer à se développer. Et il déplorait, entre autres choses, justement, l'absence d'un plan en lien avec l'intelligence artificielle, d'un plan préparatoire et le reste. Il va falloir un ministère de l'intelligence artificielle bientôt. Ou un ministère du numérique, mais en même temps, ça revient un peu à ce qu'on disait au départ. Si on fait un ministère du numérique, ça veut dire qu'on on n'a pas tout à fait bien compris. Exactement. Et dans un contexte aussi où d'autres conférenciers soulignaient un peu d'autres défis en lien avec cette intelligence artificielle-là, notamment, c'est un sujet dont on parle sporadiquement ici à l'émission, Caroline, mais l'idée justement des médias sociaux, des algorithmes, de ces paramètres-là qui viennent gérer un peu nos manières de faire les choses, nos manières d'envisager les choses. Et il y a d'autres conférenciers, en fait, je mentionne entre autres Olivier Béliveau du ministère des Relations internationales, lui qui est venu parler un peu de micro-ciblage et dérive justement de la désinformation sur le web en lien avec ces algorithmes. Donc pour nous rappeler évidemment que plus on donne de l'information sur Facebook ou le reste, mais plus Facebook sait des choses sur nous, plus il peut cibler donc des publicités, des éléments à nous envoyer. La formule qu'il utilisait, c'est regarder avec 10 j'aime faites sur des publications, je commence à vous connaître. Avec 150, je vous connais mieux que vos amis. Avec 300 réactions, ben je vous connais peut-être mieux que vous-même, puisque en fonction de nos réactions qu'on propose, ben et en fonction des articles auxquels on réagit, ben évidemment ça lui donne des connaissances sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, etc. Et donc il disait, ben évidemment l'algorithme va nous amener à faire du ciblage. Ce ciblage-là, ben nous amène aussi à vivre un peu de plus en plus en chambre d'écho, puisque l'information qu'il nous a proposée reflète des informations avec lesquelles on a l'habitude de s'engager au niveau publicitaire aussi. Et évidemment, ça dans un contexte où, pour revenir un peu à faire le pont avec l'intelligence artificielle tantôt, où l'intelligence artificielle se retrouve aussi dans d'autres formes sur le web. Par exemple, en fait, dans des robots textes qui viennent réagir, qui viennent commenter, qui viennent réagir sur Twitter, qui viennent réagir sur les forums ou ailleurs, et qui entame parfois des dialogues avec certains commentateurs au bout du compte. Donc, mais ces robots, attends, moi, j'apprends ça, là, ces robots-là tweet, mais c'est quelqu'un qui est derrière, c'est quoi ces robots-là, ils viennent d'où? On peut les acheter. OK, on peut acheter un robot. On peut acheter des robots avec des efficacités relatives. Est-ce que M. Trump aurait ce robot-là pour tweeter? Mais en fait, globalement, on parle de 48 millions de robots qui interviendraient sur des sujets politiques. Sans qu'on le sache, là, parce qu'on ne sait pas là, que c'est un robot qui vient de tweeter. Et dans le fond, le robot va suivre, par exemple, un hashtag, va aller commenter, va réagir lui-même en accord ou en désaccord avec un propos. Donc, ce qui fait que ça pourrait faire de créer des faux buzz. Ça me fait rire, mais je suis pas sûr que c'est drôle au bout du compte. Non, c'est pas très drôle. C'est assez inquiétant quand même. Parce que ça peut justement générer beaucoup d'intérêt pour des non-faits, ben oui. Des non-informations. Dans un contexte où on lutte de plus en plus contre la désinformation, ces robots-là peuvent aussi accentuer justement la diffusion d'éléments liés à la désinformation, ouais, tout à fait. Qui vont suivre des agendas politiques, des agendas personnels et le reste. Donc c'est potentiellement extrêmement problématique. Et on se rend compte parfois en regardant les gens qui discutent sur le web, notamment Twitter, mais que finalement ils discutaient avec un robot, ils discutaient pas avec une vraie personne. Même chose pour les commentateurs. Alors ça ajoute, si on peut dire, des couches de complexité à l'écosystème du web également. Là. Donc c'est des éléments comme ça qu'on met de l'avant. Là. Ça, forcément, là, il y a aucune réglementation. On peut pas réglementer ça, là. Un robot peut légalement tout à fait tweeter, là. Il y a pas de règles. Ben, en fait, s'il y a des règles, il y en a, dans les États, mais ces robots-là viennent pas des États où il y a des règles, non, évidemment. De toute façon. Il y avait d'autres conférenciers, en fait, qui disaient, je pense, on disait qu'il y avait à peu près 445 milliards de dollars en criminalité, donc, qui était généré en perte de valeur ou en valeur, tout dépendant de la manière dont le propose en 2016, qu'en Amérique du Nord, en fait, la croissance de ces défis, là, si on parle carrément de fraude, là, si on laisse de côté la désinformation, ça augmentait de 20 à 30 alors qu'on abuse, donc, de manière générale, la confiance des gens est de diverses façons. Évidemment, on connaît bien la fraude courriel, et ça devient aussi de plus en plus précis. Vous nous donnez l'exemple. Ils commencent à être bons, là. Ils sont vraiment fins. Ils sont vraiment fins, ils sont capables de cibler, en fait, encore là, à cause des informations qu'on peut aller chercher. Par exemple, il citait une situation où un président, c'est une fraude fréquente, semble-t-il, où un dirigeant d'entreprise est absent, est en voyage. Là, il y a quelqu'un qui se fait passer pour le président, qui communique avec un employé, citant des faits qui sont avérés parce que la personne les a diffusés sur des médias sociaux ou des courriels ou autres. Il y a eu un peu de hacking aussi là-dedans. Et finalement, dans le fond, l'employé se fait mettre dans une situation où il doit réagir de manière urgente pour fournir de l'information et des capitaux, évidemment, puisque c'est d'argent dont il s'agit, à son chef d'entreprise. Alors là, tu as le chef d'entreprise qui, de manière crédible, te cite des informations, te contextualise quelque chose qui a du sens et qui te dit, rapidement, envoie-moi des sous. N'en parle pas aux autres parce que si ça sort, il pourrait avoir telle incidence sur les cours d'action de l'entreprise. Donc, évite de sortir la nouvelle, il faut garder ça entre nous. Là, on parle pas d'arnaquer une personne âgée qui est pas trop au fait de la situation. Là, c'est vraiment à une personne qui connaît bien qu'est-ce que c'est que l'arnaque et tout ça, est pris dans une situation... Exact. Et c'est toujours une question de contexte. Évidemment, les fraudes pour les personnes âgées, la fraude du grand-père, c'est généralisé aussi. C'est problématique. Et ça revient tout ça aussi à se dire, et c'est un peu les solutions que ce conférencier-là sortait. Elle disait, regardez, c'est vraiment une question d'éducation. Et il faut comprendre et commencer à distinguer la réalité de la fiction et se donner des outils socialement pour accompagner les gens dans cette distinction-là. Évidemment, ça passe par l'éducation, donc la crédibilité des sources. Donc, être capable d'avoir un esprit d'analyse pour valider mais qui commente, d'où vient cette information, c'est quoi le contexte de cette information-là aussi. Et évidemment, savoir que toutes les opinions, dans le cas de la désinformation, si on revient au cas 1, toutes les opinions ne sont pas nécessairement égales non plus, tous les sites ne sont pas égaux. Et c'est quelque chose qui tranquillement se perd parce que le réflexe qu'on a quand on est conforté dans une opinion, c'est d'avoir envie de partager ce qui vient nous conforter. Alors que, faudrait peut-être valider justement avant de se dire « Ah oui, je suis conforté, c'est bon. C'est qui me conforte? Dans quel contexte? C'est quoi son intérêt à me conforter, lui? » Là? Se poser des questions puis garder son esprit critique. Et tout ça, ces discussions-là avaient lieu en même temps qu'on parlait de la surveillance des cellulaires là, à l'aéroport. Puis on disait « le gouvernement est espionné. Nos cellulaires sont espionnés dans les aéroports. » Bon, je sais pas si c'était un des sujets de discussion, mais ça fait partie d'eux, là. Mais ça fait partie d'eux. Puis c'est dans le fond, c'est une situation où, évidemment, il y a de plus en plus d'informations qui sont disponibles, de plus en plus d'enjeux liés à la sécurité. Il y a de plus en plus de préoccupations du public. Alors, évidemment, ça veut dire aussi qu'il faut rétablir, il faut trouver des outils pour rétablir la confiance du public envers les technologies. Sinon, évidemment, ça risque aussi d'amener d'autres types de défis d'un point de vue business, d'un point de vue affaires, d'un point de vue social et le reste. Alors ça, évidemment, ça reste aussi une préoccupation. Évidemment, ça transparaissait bien dans les conférences que je t'ai mentionnées. Il y avait d'autres conférences aussi, on allait quand même un peu ailleurs si on revient un peu sur la question des données. Des conférenciers, exemple Marc Boivin de Libéo, qui disait il y a peut-être moyen d'utiliser mieux les données qui sont disponibles en entreprise, les données qui sont disponibles sur les entreprises pour générer des affaires, générer plus de possibilités, d'opportunités, si on peut dire, pour les entreprises, justement. Alors, on parlait évidemment de manière par laquelle on peut réussir à utiliser ces données-là, et c'est pas nécessairement non plus chose évidente. C'est toujours un peu le défi dans ce qu'on appelle les données massives, le big data. C'est quelque chose qui revient d'un colloque à l'autre depuis des années, où on dit, regardez, c'est pas le défi, c'est pas d'avoir les données sont là. Le défi, évidemment, c'est d'aller les forer avec des outils qui vont permettre de le faire efficacement, mais c'est aussi de savoir quelles questions on va se poser, parce qu'on peut trouver plein de réponses, et c'est pas non plus parce qu'on trouve une réponse dans les données massives que ça va nécessairement être une donnée vraie, parce que plus on ajoute de données, plus on ajoute de couches d'informations, plus on peut trouver des corrélations qui n'ont pas nécessairement lieu d'être, mais qui, par la quantité, finissent par émerger de manière un peu au hasard, au bout du compte. Un peu comme des coquilles, là. Un peu comme des coquilles. Ouais. Alors, il faut aussi valider ces éléments-là. Et ce que ce conférencier-là disait, c'est, regardez, il y a toujours la question de contexte qui parfois manque. Alors, il faut s'assurer d'avoir un bon contexte pour comprendre l'application des données, pour être sûr que, justement, c'est une conclusion qui est valide, plutôt qu'une conclusion qui est due au hasard, qu'il faut avoir une connaissance de l'historique derrière ces données-là, donc autant les données elles-mêmes que l'entreprise ou le domaine d'application dans lequel on veut que ces données-là viennent solutionner des problèmes, des enjeux, qui a un défi à utiliser des moyennes également, parce qu'évidemment, il faut valider les données pour voir s'il n'y a pas des grappes d'informations qui viennent dérégler ces moyennes-là, qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de la balance et qui créent des fausses moyennes. Alors, plein d'éléments comme ça, lui disait, regardez, moi, ça fait un an que je travaille sur des questions liées aux données massives pour essayer de les mettre en valeur dans mon entreprise, et j'ai pas encore réussi à trouver une manière qui est parlante ou qui pourrait, de manière évidente, générer du capital. Donc, c'est pas le fait de les avoir et qu'elles soient accessibles, l'enjeu, c'est le fait de bien les utiliser, et l'entreprise... Ça prend encore l'humain, et l'humain est un peu préoccupé par, justement, les conclusions qui peuvent être amenées peut-être de manière un peu faussée par les données, s'ils sont mal gérés, ou si les algorithmes qui les forcent sont peut-être eux-mêmes faussés, parce que l'humain est aussi au départ de ce forage-là. Et là, on revient à notre désinformation de tantôt, où c'est l'humain qui crée les algorithmes, donc éventuellement, l'humain met des biais, met une subjectivité, il y a personne qui est parfaitement objectif, on s'entend. Et donc, dans le fond, quel impact ça peut avoir sur la diffusion du reste, sur la diffusion de l'intelligence artificielle, c'est la même chose, parce que c'est l'humain qui crée l'algorithme au départ. Alors, on revient un c'est peu au... Qui tourne, c'est la quadrature du cercle. Oui, c'est ça, un beau cercle vicieux. Puis on parlait tout à l'heure là, de surbookage, des surréservations dans les aéroports. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2017, avec toute la technologie qu'on a, on réussit quand même à avoir trop de monde dans nos avions? Peut-être qu'il y a un peu d'erreurs humaines dans tout ça. Probablement. En tout cas, des discussions comme vous avez eues, j'imagine que c'est fort nourrissant, puis ça va continuer. Il y en aura d'autres de ces forums-là, de ces discussions. Il y en en a régulièrement, je te dirais. En fait, si je faisais la tournée, je pourrais pratiquement être dans un forum une fois par mois, en exagérant à peine. Évidemment, ça devient stimulant aussi beaucoup quand on nous amène des projets ou des idées. Je te donne un exemple. Après Rapide, il y avait des représentants de la Ville de Québec qui étaient sur place aussi pour dire, regardez, on vous présente le projet de l'artère Saint-Joseph, l'artère intelligente qu'on est en train de créer, et qui profitaient de l'occasion, eux, pour dire aux entrepreneurs qui étaient présents, soumettez-nous des idées. Parce que on crée une infrastructure et on a un certain temps pour l'utiliser, si on peut dire, et on voudrait que d'autres entreprises viennent expérimenter aussi pour voir, parce qu'on parle de données depuis tantôt, justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec les données? Il y en a énormément qui vont être captées par les outils qu'ils mettent en place. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut calculer, par exemple, l'affluence sur l'artère? Est-ce qu'on peut voir des facteurs qui font que les gens vont entrer dans un commerce? Est-ce qu'on peut voir à calculer d'ailleurs plus efficace l'affluence pendant des événements, par exemple, et voir s'il y a une adéquation entre l'événement et la fréquentation des commerces de l'artère ou non? Est-ce qu'il y a des systèmes de poubelles intelligentes qui peuvent calculer qu'est-ce qui est jeté pour mieux réagir, mieux trier, etc.? Alors, eux étaient là carrément pour dire, donnez-nous des idées, profitez aussi de ce forum-là pour présenter des projets innovants qu'on veut voire amplifié par d'autres acteurs de la communauté technologique. Bon, mais c'est bien quand tout le monde s'unit comme ça pour faire avancer les choses. Merci Raymond Poirier. Ça me fait plaisir. Encore fort intéressant. Écoute, je te laisse aller te reposer. Bien mérité. Les gens saisissent mon absence relative de voix ce matin. Non, mais ça se passe bien. Elle est bien réchauffée maintenant, mais tout de même. Merci encore une fois.